بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في كتاب الصيام من عمدة الأحكام on continue aujourd'hui donc le livre le chapitre du jeûne de عمدة الأحكام وقد رأينا في الأسبوع الماضي عدة مسائل متعلقة بالكفارة لمن جامع في نهار رمضان. Nous avons vu lors de la semaine dernière, plusieurs sujets liés à l'expiation concernant celui qui accomplit un rapport en pleine journée de Ramadan. وبقي لنا أن نرى أمرا متعلقا بالموضوع بنفس الموضوع قبل الانتقال إلى الباب الذي يليه. Il nous reste à voir un autre point lié à ce même sujet avant de passer au chapitre qui suit. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. Et donc il y a dans le hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au questionneur, le questionneur donc qui avait accompli un rapport en pleine journée de Ramadan, il est allé voir le prophète et l'a interrogé concernant son jugement. Le prophète lui a dit, est-ce que tu as la capacité de libérer un esclave? L'homme a répondu en disant non. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ Alors le prophète de dire est-ce que tu as la capacité de jeûner deux mois d'affilée? قال لا. L'homme a répondu en disant non. Alors à ce moment-là le prophète فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال لا. Et à ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, alors est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? L'homme a répondu en disant, non. Wa zahiru hadha al-hadith, anna tartiba fil kaffarati wajibun, wa annahu la yajuzu l'intiqal min naw'in ila naw'in akhar, illa ba'd al-ajzi anil awwal. Et donc, ce qui est apparent de ce hadith, c'est que l'ordre stipulé dans les types d'expiation est obligatoire. Et qu'il n'est pas permis de passer d'un type d'expiation à un autre que lorsqu'il est impossible, qu'il n'est pas possible d'accomplir le premier. C'est-à-dire que le premier type d'expiation, c'est le fait de libérer un esclave. Si tu n'as pas la capacité de libérer un esclave, alors à ce moment-là, tu passes au deuxième type, qui est de jeûner deux mois d'affilée. Si tu n'as pas la capacité de jeûner deux mois d'affilée, alors à ce moment, tu passes au troisième type, qui est de nourrir 60 pauvres. Et donc, ce qui est apparent de ce hadith, c'est que l'ordre dans l'application de l'expiation, des différents types d'expiation, cet ordre-là, il est obligatoire. وَهَذَا الْقَوْلُ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ Et cet avis, c'est l'avis de la majorité des savants, donc, qui disent qu'il est obligatoire d'appliquer un ordre précis dans les types d'expiation. وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ Donc l'avis de la majorité, c'est-à-dire Al-Ahnaf, donc les savants du madhhab Hanafit, وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيَّ Les savants du madhhab Shafi'it, وَكَذَلِكَ الْحَنَابِلَ Et les savants du madhhab Hanbalit. خَالَفَهُمُ الْإِمَامُ مَالِكُ فَقَالَ إِنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى التَّخْيِيرِ L'imam Malik les a contredits, il s'est opposé à eux et a dit que l'expiation se fait de choix libre. La personne a donc le choix entre ces trois types d'expiation. Elle a donc accompli un péché, elle a donc accompli un rapport pendant la journée de Ramadan. Elle veut donc se repentir et faire l'expiation. Elle a le choix entre ces trois types d'expiation sans qu'il y ait un ordre formel. ودليل الإمام مالك هو حديث أبي هريرة الذي ندرسه اليوم مع الرجل الذي جامع في نهار رمضان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الرواية التي أخرجها الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعرق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. Et donc, la preuve de l'imam Malik, rahimahullah, c'est le même hadith qu'on étudie aujourd'hui et que j'ai cité en début du cours, le hadith de Abu Huraira, radiallahu an, qui montre qu'un homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir eu un rapport avec son épouse en pleine journée de Ramadan. Il a interrogé le prophète concernant son jugement, le hadith, qu'on étudie donc depuis plusieurs cours. Normalement, c'est le quatrième cours, wallahu alam, si je ne me trompe pas. Sauf que la narration sur laquelle s'appuie l'imam Malik, rahimahullah, la narration du même hadith ne stipule pas les mêmes termes que la narration du hadith qu'on a cité, la narration qui est stipulée dans As-Sahihayn, dans les recueils de Al-Bukhari et Muslim. L'imam Malik, il a une autre narration de ce même hadith. Dans cette narration, il est stipulé qu'un homme a rompu son jeûne pendant Ramadan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire l'expiation en libérant des esclaves, en libérant un esclave, ou en jeûnant 2 mois d'affilée, ou en nourrissant 60 pauvres. Fait qu'on est là, Ajid. Alors l'homme, il a dit, je n'ai pas la capacité. Fait outil al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi'araki tamrin. فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما اجد احدا افقر مني او احوج مني. Et donc cet homme, il a dit au prophète, je n'ai pas la capacité. Puis on a ramené un panier de dattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme, prends ce panier et donne-le en aumône. Alors l'homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, je ne trouve personne qui soit plus pauvre que moi, qui soit plus dans le besoin que moi. Fadahika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta badat anyabuhu thumma qala kulhu. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rigolé, puis il a dit, prends le panier, excuse-moi, puis il a dit, kulhu, mange-le. C'est-à-dire mange, consomme les dattes. وهذه الرواية ظاهرها جواز التخيير في الكفارة. Et donc ce qui est apparent de cette narration, c'est qu'il est permis d'appliquer les sanctions sans ordre précis, mais avec un choix libre. C'est ce qu'on comprend de cette narration, puisque le prophète, il a dit à l'homme, donc il lui a ordonné de libérer un esclave ou de jeûner 2 jours d'affilée, ou de nourrir 60 pauvres. Idan indana ishkal. Et donc on a un problème. Hada al-ishkal anna dhahir riwayat as-sahihayn min hadith Abi Hurayra anna al-kaffarata wajibatun ala at-tartib. Quel est ce problème? C'est que ce qui est apparent du hadith de Abi Hurayra radhiyallahu anhu dans la narration qui est stipulé dans Sahihayn, dans les recueils de Bukhari et Muslim, dans cette narration-là, ce qui est apparent, c'est que l'expiation se fait de façon obligatoire selon un ordre précis. Pourquoi? Parce que l'homme a demandé, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à l'homme, est-ce que tu peux libérer un esclave? Non, je ne peux pas. Alors, est-ce que tu peux jeûner 2 mois d'affilée? Non, je ne peux pas. alors est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Et donc on comprend cela de cette narration. Et dans l'autre narration, la narration de qui est citée dans le Muwatta de l'imam Malik, on comprend que la personne a le choix. Ou. Et donc nous sommes dans un problème. Kayfa naf'al? Alors comment faisons-nous? Comment pouvons-nous faire ici? Qulna sabiqan inna fi hadhihi al-hal ay at-ta'arud bayna an-nusus la budda min al-jam'i awwalan لأن العمل بجميع النصوص أولى من العمل ببعض النصوص دون بعض. Nous avons déjà dit plusieurs fois précédemment, dans les cours donnés à la mosquée, que lorsque, dans cette situation, c'est-à-dire lorsqu'il y a une contradiction apparente, une contradiction de façon apparente entre les textes, il est impératif tout d'abord de rassembler les textes. Lorsque les textes contredisent de façon apparente, il faut tout d'abord les rassembler. Car le fait d'œuvrer avec tous les textes prévaut au fait d'œuvrer avec certains textes et de délaisser d'autres. Et donc il faut d'abord chercher une façon de rassembler tous les textes afin d'œuvrer avec tous les textes. فإن أخذنا بقول الإمام مالك رحمه الله لا يمكننا أن نعمل إلا بالرواية التي في الموطأ لأن رواية الصحيحين لا تحمل ولا التخيير. Et donc si on prend l'avis de l'imam Malik, nous ne pouvons pas œuvrer avec tous les textes ici stipulés ici dans ce sujet. Pourquoi? Parce que la narration qui est stipulée dans Sahihain, dans le recueil d'Al-Bukhari et Muslim, cette narration-là, on ne comprend pas de cette narration le fait que la personne a le choix dans l'expiation. On ne comprend pas cela de cette narration. Amma in akhadna bi qawlil jumhur fa na'malu bin nassayn. فَيُمْكِنُ الْعَمَلُ بِالنَّصَّيْنِ. Par contre, si on prend l'avis de l'Jumhur, la majorité des savants, alors là, on peut œuvrer avec tous les textes. On peut les rassembler. Pourquoi? رِوَايَةُ الشَّيْخَيْنِ ظَاهِرُهَا وُجُوبُ التَّرْتِيبِ. Car, comme je l'ai dit précédemment, ce qui est apparent de la narration de Bukhari et de Muslim, c'est qu'il est obligatoire d'avoir un ordre précis dans l'application des types d'expiation. Et il faut savoir que la narration qui est dans le Muwatta aussi, on peut aussi comprendre de cette narration le fait que l'ordre est obligatoire dans l'application des types d'expiation. Comment ça? On a dit précédemment ou. Le fait de dire ça, c'est qu'on a le choix. Mais là, non. C'est possible que on comprenne l'obligation dans l'ordre. Comment? Fayakounul ma'na. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amarahu bi an yukaffira bi 'irqi raqabah أو صيام شهرين متتابعين إن لم يستطع أو إطعام 60 مسكينا إن لم يستطع. À ce moment-là, la signification de ce hadith, on va dire que ce qui est voulu dans le hadith avec la narration du Muwatta, ce qui est voulu par là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à cet homme d'expier son acte en libérant un esclave ou en jeûnant 2 mois d'affilée s'il n'a pas la capacité. Donc, s'il n'a pas la capacité ou en nourrissant 60 pauvres, si il n'a pas la capacité. Et donc, وَكَذَلِكَ جَمَعْنَا بَيْنَ النُّسُوسِ. Et en faisant cela, on rassemble tous les textes dans ce sujet. On rassemble les deux narrations. وَنَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الرِّوَايَةَ الْمَوْجُودَ فِي الْمُوَطَّأِ لَمْ تَذْكُرِ الْقِصَّةَ بِتَفَاصِيلِهَا وَإِنَّمَا وَرَدَتْ مُخْتَصَرَةً فتحمل الرواية المختصرة على الرواية التامة. Et rajoutons à cela, en plus, que la narration qui est stipulée dans le recueil de l'imam Malik, dans le Muwatta, cette narration n'a pas été citée de façon détaillée, mais elle a été citée de façon résumée. Et donc, la narration qui est résumée doit être comprise en fonction de la narration qui est détaillée. Et pas l'inverse. Pas l'inverse. La narration qui est résumée doit être comprise en fonction de la narration qui est détaillée. Il est important de comprendre cela. وَنَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رواه عنه حميد بن عبد الرحمن ورواه عنه ورواه عن حميد بن شهاب الزهري ثم أخذه عن ابن شهاب جمع من الرواة. Et ensuite on rajoute à cela pour finir que le hadith de Abi Huraira radiallahu anhu, donc on a vu ici aujourd'hui les deux narrations du hadith d'Abi Huraira, le problème concernant les deux narrations. Une narration dans Sahihayn, connue, donc la narration qu'on a vue au tout début, donc il y a quatre cours, c'était au début de la semaine dernière. Dans cette narration, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à l'homme, est-ce que tu as la capacité de nourrir un esclave? Non. Alors, est-ce que tu as la capacité de jeûner 2 mois d'affilée? Non. Alors, est-ce que tu as la capacité de nourrir 60 pauvres? La narration dans Sahih al-Bukhari et Muslim. La narration dans le Muwatta de l'imam Malik. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à cet homme de faire l'expiation en libérant un esclave ou en jeûnant 2 mois d'affilée ou en nourrissant 60 pauvres. Donc, on a les deux narrations. Du hadith de Abi Huraira. Ce hadith de Abu Huraira, il faut savoir que celui qui rapporte cette information de Abu Huraira, c'est Humayd ibn Abdurrahman. C'est Humayd ibn Abdurrahman qui rapporte cette information de Abu Huraira. Et celui qui a pris cette information chez Humayd ibn Abdurrahman, c'est Ibn Shihab al-Zuhri. Le cheikh de l'imam Malik, c'est Ibn Shihab al-Zuhri. Et donc nous avons Abu Huraira qui a entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'un autre compagnon. Puis nous avons Humayd ibn Abdurrahman qui a pris donc cette information de Abu Huraira. Puis nous avons donc Ibn Shihab qui a pris cette information de Humayd. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs rapporteurs ont pris cette information de Ibn Shihab al-Zuhri. Et c'est là qu'il faut être attentif. Plusieurs narrateurs de hadith ont pris cette information de Ibn Shihab al-Zuhri. Parmi eux, donc, il y a Soufiane ibn Uyayna, il y a Ma'mar, il y a Al-Layth ibn Sa'd, Mansour, Al-Awza'i, et d'autres, waghayruhum. L'imam Malik, Ibn Jurayj, et d'autres. Kulluhum rawahu an Ibn Shihab wa lam yadhkur ahadun minhum al-lafz ad-dal 'ala at-takhyir illa Malik wa Ibn Jurayj. Tous ces rapporteurs, ils ont pris cette information d'Ibn Shihab al-Zuhri. Tous, ils ont pris cette information d'Ibn Shihab al-Zuhri. Et aucun d'entre eux, lorsqu'il a transmis cette information, aucun n'a cité la narration qui est dans le Muwatta, c'est-à-dire la narration qui montre que la personne a le choix dans l'application des expiations. Personne n'a rapporté cette narration en dehors de Malik et d'Ibn Jurayj. بعض العلماء أوصلوا عدد رواة هذا الحديث عن ابن شهاب إلى 30. Certains savants, ils ont cité qu'il y a 30 rapporteurs qui ont pris cette information d'Ibn Shihab. 30 rapporteurs qui ont pris ce hadith d'Ibn Shihab. Tous, aucun d'entre eux du moins, n'a rapporté l'information avec les termes qui montrent que la personne a le choix dans les types de sentences, dans les types d'expiation, en dehors de deux personnes. Ibn Jurayj et l'imam Malik. Comme l'a dit Ibn Hibban, rahimahullah. Idan, riwayatul jam' muqaddamatun ala riwayati Malik wa Ibn Jurayj. Et donc, on comprend de cela que la narration qui est rapportée par un grand groupe de narrateurs prévaut à la narration qui est rapportée par l'imam Malik et Ibn Jurayj. Malgré le fait que l'imam Malik, c'est l'imam Malik, c'est la montagne, c'est une montagne de la science. Cependant, nous devons aussi prendre en compte le fait que, de l'autre côté, il y a aussi de grands savants du hadith et il y a aussi le nombre de rapporteurs. إذن تبين من هذا كله أن الراجح في هذه المسألة قول الجمهور أن الكفارة واجبة على الترتيب لا التخيير. Et donc on comprend de tout cela que l'avis le plus juste dans ce sujet est l'avis de la majorité, c'est que l'expiation est obligatoire avec un ordre précis et qu'il n'y a pas de choix de façon libre dans les types d'expiation. وفي الحديث مسائل أخرى ذكرتها العلماء لكنني حاولت ذكر أهمها خشية الإطالة. Et il y a aussi d'autres points, d'autres sujets dans le hadith que les savants ont cités. Cependant, j'ai choisi les plus importants par crainte de faire trop long. ونسأل الله التوفيق. On demande à Allah qu'il nous accorde la réussite. وغدا إن شاء الله تعالى سننتقل إلى باب الصوم في السفر. Et donc, et demain, إن شاء الله تعالى, on va donc commencer le chapitre, ou du moins, le sous-chapitre lié au jeûne durant le voyage. Le jeûne durant le voyage. Et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde la réussite en cela. Il est capable de toutes choses. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.